monsieur, ne vous rebutez point. Il n'est pas possible qu'Angélique ne se rende. Il n'est pas possible. Lisette, vous étiez présente quand monsieur a vu ma fille. Est-il vrai qu'elle ne l'ait pas bien reçue? Qu'a-t-elle donc dit? Parlez, a-t-il lieu de se plaindre? Non, madame, je ne me suis point aperçue de mauvaise réception. Il n'y a eu qu'un étonnement naturel à une jeune et honnête fille qui se trouve, pour ainsi dire, mariée dans la minute. Mais pour le peu que madame la rassure et s'en mêle, il n'y aura pas la moindre difficulté. Lisette a raison, je pense comme elle. Mais, sans doute, elle est si jeune et si innocente. Madame, le mariage, on impromptu, étonne l'innocence, mais ne l'afflige pas. Et votre fille est allée se trouver mal dans sa chambre. Vous verrez, monsieur, vous verrez. Allez, Lisette, dites-lui que je lui ordonne de venir tout à l'heure. Amenez-la ici. Partez. Il faut avoir la bonté de lui pardonner ces premiers mouvements-là, monsieur. Ça ne sera rien. Vous avez beau dire, on a eu tort de m'exposer à cette aventure-ci. Il est fâcheux à un galant homme, à qui tout Paris jette ses fixes à la tête, et qui les refuse toutes, de venir lui-même essuyer les dédains d'une jeune citoyenne de village à qui on ne demande précisément que sa figure en mariage. Votre fille me convient fort, et je rends grâce à mon ami de me l'avoir retenue. Mais il fallait, m'appelant, me tenir sa main si prête et si disposée que je n'eusse qu'attendre la mienne pour la recevoir. Point d'autre cérémonie. Je n'ai pas dû deviner l'obstacle qui se présente. Eh, monsieur, un peu de patience. Regardez-la dans cette occasion aussi, comme une enfant.